faut être fort comme un roc. Fort comme un roc. Il faut être fort comme un roc. Fort comme un roc. La folie me guette, il faut que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, il faut que je reste fort comme un roc. La folie me guette, il faut que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, il faut que je reste fort comme un roc. One life. Il faut que je caisse les coups, coûte que coûte, parce que c'est one life. On s'élevine, nous n'y rien à foutre. Mais tu sais, j'y ai pensé plus d'une fois à me tirer une balle dans la tête pour toi. One love. Tu m'étais destiné et tu le sais. Conduit à notre perte. Tu m'as souvent dit que j'étais l'homme de ta vie. Mais dis-moi, est-ce vrai ça? Tu m'as toujours dit que j'étais le number one et toi la mère de mes enfants. Est-ce vrai ça? De par ta religion, tu m'as dit tu te maries par raison. Est-ce vrai ça? La folie me guette, il faut que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, il faut que je reste fort comme un roc. La folie me guette, il faut que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, il faut que je reste fort comme un roc. Je lutte pour ne pas craquer, mais je bute sous des cauchemars insensés. Notre histoire était belle, douce comme le miel, digne des plus grands contes de fées. Mais je jure de ne pas lâcher, le futur me dira si t'étais ma destinée. Mais c'est dur de t'imaginer promise à un autre. Mais crois pas que c'est de ma faute. T'as bien voulu de lui, pensant que tu serais heureux. Ça vrai ça. Mais tu me dis que t'es malheureux. Est-ce vrai ça? J'y crois plus. Des mensonges ça prend plus. Ça vrai ça. Je serai fort comme un roc, dur comme un roc. Mais je lutte pour ne pas craquer. Je serai fort comme un roc, dur comme un roc. Mais je bute sous des cauchemars insensés. La folie me guette, il faut que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, il faut que je reste fort comme un roc. La folie me guette, il faut que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, il faut que je reste fort comme un roc. Jamais baisser les bras dans la vie, quoi qu'il arrive, pas j'emmolli. La règle d'or qui fait de moi un soldat aguerri. Solide. Jamais baisser les bras dans la vie, quoi qu'il arrive, pas j'emmolli. La règle d'or qui fait de moi un soldat aguerri. La folie me guette, la folie me guette, comme un roc, comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, si j'ai du mal, il faut que je reste fort comme un roc, comme un roc. La folie me guette, la il faut folie que je sois fort comme un roc, comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, si j'ai du mal, il faut que je reste fort comme un roc, comme un roc. La folie me guette, la il faut folie que je sois fort comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, si j'ai du mal, il faut que je reste fort comme un roc, comme un roc. La folie me guette, la il faut que je sois fort comme un roc, comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, si il faut que je reste fort comme un roc, comme un roc. La folie me guette, la il faut folie que je sois fort comme un roc, comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, si j'ai du il mal faut que je reste fort comme un roc, comme un roc. La folie me guette, la folie me guette, comme un roc, comme un roc. Même si j'ai du mal dans ma tête, si j'ai du mal dans ma tête, comme un roc, comme un roc.